Il faut accélérer l'envoi des femmes actuellement dans les POC, vers les centres sociaux et hospitaliers. Utilisez tout votre matériel à cet effet. Pour les gros transports, l'état-major peut vous fournir des autobus. Devant les journalistes, n'employez pas les termes arrêtés et appréhendés. Vous devez dire conduit dans les centres et foyers sociaux. Je répète, conduit dans les centres et foyers sociaux.